fait froid, rapproche-toi. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Viens par là, raconte-moi. Qu'est-ce que tu as qui t'arrête? Tu as froid et ouvre-moi, que je puisse rentrer dans ta veste. Reste là, mets tes petits doigts. Pourquoi veux-tu que je m'entête? Je vais pas rentrer dans ta tête. Pourquoi veux-tu que je m'entête? Pourquoi veux-tu que je m'entête? Je vais pas rentrer dans ta tête. Pourquoi veux-tu que je m'entête? Il fait nuit noire, mais qu'est-ce que t'as dans ta tête? 10h moins le quart, t'arrêtes de boire, mais qu'est-ce qu'il y a qui t'arrête? Et dis-moi, rapproche-toi, que je puisse rentrer dans ta veste. Mais il fait noir, trop noir pour voir tout ce qu'il y a dans ta tête. Pourquoi veux-tu que je m'entête? Je vais pas rentrer dans ta tête. Pourquoi veux-tu que je m'entête? Pourquoi veux-tu que je m'entête? Je vais pas rentrer dans ta tête. Pourquoi veux-tu que je m'entête? Trop tard pour voir s'il est tôt, trop tôt pour faire chaud. Il fait noir, trop noir pour voir si t'as froid, trop froid pour venir vers moi. Il est tard pour voir s'il est tôt, trop tôt pour faire chaud. Trop noir pour voir, trop froid pour venir vers moi. Il est tard. Oh.